Septembre rouge aux mille draps blancs, le vent les bouge, moi j'ai 8 ans, rue Marquette. À la radio de mes parents, j'entends chanter le fou chantant l'âme des poètes. Le gros Raymond m'appelle dehors, viens jouer dans le cour, j'ai des pétards, la ruelle s'étire à l'horizon. On va sauter les murs, on va raser les clôtures jusqu'au Japon. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y'a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. L'odeur d'encens dans les églises, comme au trottoir des années grises, mais pas perdue. Avec au cœur la graffinure de la plus belle, de la plus pure, m'a fait des rues. Le gros Raymond qui lâche l'école, ma ligne de vie qui fait la folle frontière fragile entre l'homme et l'amour. J'ai mal à mes 16 ans, j'ai tous les âges en même temps. Et je t'attends. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y'a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. Pas la nostalgie, c'est une maîtresse inassouvie, aux yeux trop bleus. Je t'emmène en ville à pied, je te fais présent de mon passé, si t'en veux. Du haut de la croix du Mont-Royal, je te confie mon idéal, et tous mes rames en fleuve à venir. Tous mes enfants, joueurs de tours, et mes automnes et mes amours. À finir. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y'a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir.